bonjour à vous tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Bienvenue à l'intérieur de Party After. Je vous souhaite bien sûr de passer un excellent moment. On est ensemble jusqu'à midi. Chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. hear the beat. It just keeps going, huh? Oh, it's fast. Can you slow it down a little bit? Okay. I could use a little more rhythm. Knock a little louder, sugar. Yeah, that's really bad. Nothing's changed. But everything must change. There we go. Now we're doing something. There we go. Now we're doing something. We'll be right back. Galaxy. Ça fait partie naturellement des souvenirs qu'on aime bien retrouver sur les ondes de Galaxy. À l'instant avec Eric Price, on poursuit bien sûr cette aventure avec Count Paris avec le titre Posa. Thank you. week-end sur Galaxy. Let me paint you a picture. Let me take you to that wonderland. Ah, yeah, yeah. Ah. Follow me, follow me, follow me. That's right. This is Kim Cooper coming at you on Purple Music. Bit right here up front. It's for a friend of mine. I want to take you with me. Take you with me to the beats. Remember, this is the senses version. Now man is a wondrous thing. He's a tower of pulsing beauty and sweat and he can bring you joy, he can bring you pain, he can make you dance all the time. That's right, let me paint you a picture. He's so sexy. Don't be afraid. Don't even be jealous. Just revel in the joy of it all. And the joy of his valleys that leads to his mountains. The rivers that flow to the streams. The passion that erupts within. The man, remember him. So sexy. Sexy. Release it. Unlock it. It's all waiting for you there. Ah. He's the dream that makes you sweat. So remember, don't be afraid. Don't even be jealous. Just revel in the joy of it all. In the joy of his valleys that leads to his mountains. Pulsing hearts down to the valley of his lust. So sexy, sexy, sexy. Ooh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Set free, set free, set free. You wanna come, you hold the key. You release me, you release me, you release me, you release me, you release me, you release me.

Les meilleurs de la scène électronique à l'instant avec Dinox pour le titre 7. Oh, on accueille tout de suite un grand classique. Voici tout de suite Eddie Amador avec House Music. House Music. House Music. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing. We'll be right back. And for the next 5 minutes, I want everybody to get down. That's right. You see, it only takes a minute. If you want to put your feet back on the ground, do it just like I do. Get down. Put your feet back on the ground. I said, everybody, put your feet on the ground. And it goes a little something like this. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down, put your feet back on the ground. Get down. Des souvenirs, c'est naturellement sur les ondes de Galaxy à l'instant avec Avant-Garde, Cat Down. On va faire un petit tour du côté des informations. Ça sera pour les prochaines soirées à venir. Ça sera pour ce soir, ce dimanche 2 mars, soirée au zoo, au club, ce soir avec la fameuse soirée Laser Show, avec bien sûr Thomas et Céd comme résident, et aussi un autre rendez-vous à ne pas manquer. Ça sera mercredi 5 mars entre 18h et 19h. Manu Kenton et Max Wader présenteront leur premier album. Je vous rappelle, ça sera mercredi 5 mars entre 18h et 19h. Et côté musique, voici tout de suite la reprise électro de Moloko, Seeking Back. We'll be right back. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. Happy people. Okay. Listen carefully. There are lots of difference. This is the sound of the sun. Chaque dimanche, 10h midi, Pascal Mancini sur Galaxy. Thank you. to our music at night. Music at night. Le meilleur de la scène électronique à l'instant avec Richard Gray. Il est 11h. Dans une heure, vous aurez l'occasion de découvrir Chris D. Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu sur les platines de Galaxy. Ça sera aux alentours de midi pour son émission Double Dos Record. Chris D tout à l'heure à partir de midi. Côté musique, voici tout de suite encore un grand standard. C'est Steve Bug avec Love Boy. Galaxy, the one and only for you. Right now. L'excellent Ralph Falcon sur les ondes de Galaxy. Dans une demi-heure, c'est Chris D aujourd'hui que vous retrouverez aux alentours de midi pour son émission Double Dos Record. Il sera suivi de Michael H pour son émission Trans de 14h à 16h. Sly Arnaud de 16h à 18h. Byron Wesley de 18h à 20h. Manray de 20h à 22h. Et sans oublier, bien sûr, notre ami Guillaume de Baskerville pour son incontournable émission Prélude. Et je vous rappelle que ce soir, ça sera le 197e numéro de Prélude. Et juste après, pour un petit peu remettre du son, Stick pour la session Hardcore. Mais côté musique, voici tout de suite le nouveau coup de cœur de cette émission Party After. Écoutez bien, ça s'appelle Ondulade avec My Reflection. Et c'est le remix signé Grégory. Fruit and named it after you. Love with you is real. reflection. You are my reflection. arrête tout et écoute. Allô? Il n'y a pas d'autre galaxie comme Galaxie. C'est pas très joli joli hein, de se moquer de Fun Radio, de Skyrock et d'Energy, parce que eux ils font tout ce qu'ils peuvent pour être aussi bien que vous. Oh, vous êtes vraiment super, je vous adore. Galaxie, c'est génial, je m'excite rien qu'à vous entendre, je vous adore. Oh oui, Galaxie, j'adore. Galaxy. But love, take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. Cool, and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble pour terminer cette émission. Dans un quart d'heure, il vient d'arriver dans les studios notre ami qui vient de la Belgique, Chris D, dans un quart d'heure sur les platines de Galaxy pour une session Funky House. We'll be right back. Sur les platines avec l'indicatif de la Love Parade, petit souvenir entre parenthèses. Voici tout de suite le dernier disque pour terminer cette émission. Je vous remercie de votre grande fidélité. Juste après, vous retrouverez Chris D qui nous vient tout droit de la Belgique. Notre ami, on salue bien sûr nos amis de la Belgique. Voici tout de suite Spit pour terminer cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Your friends, they talk behind my back. You know that I don't care. And C'est ainsi que se termine cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avance de votre fidélité. Voici tout de suite sur les platines de Galaxy. Chris dit, je vous souhaite une excellente après-midi. À la semaine prochaine.